الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن الأمر بتقوى الله عز وجل أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وأعظم وصية للأمم وهو خير الزاد يبلغ بالعبد رضوان الله تعالى وعلو الدرجات في الجنان وهو سبب تفريج للكروب وتيسير للأمور وفوائد التقوى كثيرة لا يعلم بركتها وكثرتها إلا الله ومن أدرك عظم الأمر بالتقوى وكثرة فوائده لا بد أن يرغب رغبة شديدة بأن يكون من المتقين وأولياء الله الصالحين فما هي الأسباب المعينة على تحقيق تقوى الله عز وجل أولا اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء والإلحاح إليه بالدعاء فإن العبد لن يكون من المتقين إلا إذا جعله الله عز وجل منهم فالأمر بيد الله والخير بيده والتوفيق عطاء رباني ومنة إلهية قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والنبي صلى الله وقال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأزمة الأمور بيد الله عز وجل ومن الدعوات العظيمة التي أثرت عن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله عليه وسلم فربك لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه ثانيا مجاهدة النفس وحملها على الاستقامة فالنفس تتفلت من صاحبها وثمة صوارف وفتن كثيرة تصرف العبد الصالح عن تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى فلا بد من اجتهاد واصطبار قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر يصبره الله فلا بد من اجتهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله، على طاعة الله. فيصبر المرء على طاعة الله ويحمل نفسه ويعودها على الإذعان لأمر الله عز وجل والبعد عن معصية الله، يقهرا ويغلبها حتى لا يصبح أسيرا لهواه وفي يد الشيطان عياذا بالله. ثالثا، طلب العلم الشرعي. والعلم الشرعي هو المستفاد من الكتاب والسنة، فمن لا بصيرة له لا علم له، ومن لا علم له كيف له أن يتقي الله عز وجل وهو لا يدري ما يسخط الرب وما يحبه الرب؟ قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأعظم العلوم التي بها يصبح العبد أو العبد متقيا لله عز وجل قريبا منه صالحا هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبأفعاله سبحانه وتعالى. فله الأسماء الحسنى والوصف الأعلى، فهو الله العظيم العليم، الخبير السميع البصير، العزيز الكبير، الجبار الكبير المتعال. فالعلم به يدفع المرء إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. رابعا، على العبد أن يحرص على مجالسة المتقين ومن يعينونه على تقوى الله سبحانه، وأن يحذر من مجالسة من يفسدونه. قال الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فلا تصاحب كل أحد، بل ميز بين النافع والضر. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم الأسباب التي تعين العبد على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى تذكر الآخرة، تذكروا الآخرة. قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفي خاتمة آية الحج من سورة البقرة قال الله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا أجمعين على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Certes, l'ordre le plus important et la plus grande recommandation qu'on trouve dans le Coran et la Sunna est l'ordre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la recommandation faite par Allah aux premières et aux dernières générations. C'est la meilleure provision par laquelle le serviteur atteint l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et se voit élevé dans les hauts degrés du paradis. C'est la cause par laquelle Allah azza wa jal te facilite tes affaires et t'accorde une issue favorable dans toute difficulté. Et certes, les mérites de la piété sont indénombrables et n'en connaît la portée, la valeur et le nombre de bénédictions que Allah subhanahu wa ta'ala, le savant de toutes choses. Et celui qui a compris que la piété et l'ordre d'Allah azza wa jal, adressé à son prophète et messager, adressé à l'ensemble des communautés, celui qui aura compris une partie des bienfaits de la piété, se demandera forcément comment devenir un serviteur pieux d'Allah, comment obtenir ses nombreux bienfaits et baigner dans le jardin des vertueux. Pour répondre à cela, 10 points, celui qui les concrétise aura concrétisé la piété, ou bien les causes lui permettant de devenir pieux. Premièrement, le fait de diriger son être entièrement vers Allah et de le supplier, de l'invoquer, de lui demander de nous joindre au nombre de serviteurs pieux. Car en effet, l'ordre tout entier dans la main d'Allah et le bien dans son entièreté est auprès d'Allah. Et personne d'entre nous n'atteindra la piété si ce n'est avec l'aide d'Allah. La piété étant un don divin et une grâce divine, celui donc qui cherche la piété, qu'il lève les mains vers son Seigneur, qu'il le supplie, lui demande de le joindre au nombre des gens pieux. Et celui qui s'adresse à Allah ne sera jamais perdant. Celui qui invoque Allah ne sera jamais perdant. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens rapprochés de ce verset, et votre Seigneur dit, invoquez-le, ou invoquez-moi, je vous exaucerai. Dans l'autre verset, et vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut, le Seigneur des mondes. Et parmi les invocations et supplications de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous rapporte l'imam muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha, ô Allah, accorde à mon âme sa piété, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, et purifie-la, tu es le meilleur de ceux qui purifient, anta waliyuha wa mawlaha, tu es son allié et son maître. C'est ainsi que s'adressait le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux détenteurs du bien et de la piété. Or, c'est celui qui nous dit, je suis celui qui craint le plus parmi vous, Allah. Donc personne ne doit se voir dans la suffisance devant ce grand bienfait d'Allah. Une autre invocation, Allahumma inni as'aluka al-huda, ô Allah, je te demande la guider, wa tuqa, ainsi que la piété, wa al-afaf, wa al-ghina. Et je te demande de me préserver et je te demande la suffisance. Deuxièmement, le fait de combattre son âme et de la faire se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et sa volonté, afin qu'elle soit une âme qui appelle au bien et qui se soumet devant les ordres d'Allah Azza wa Jalla. Car cette âme est dure à maîtriser et elle penche, elle a des penchants tantôt vers le bien et tantôt vers le mal. Il nous faut donc la maîtriser afin qu'elle se soumette à ce qu'il y a de bien et qu'elle s'éloigne devant ce qu'il y a de mal. Et pour ce faire, il faut faire des efforts et être dans un combat permanent jusqu'à battre et vaincre son âme. Il nous faut une grande endurance. Et le prophète alayhi salat wa salam nous dit, et celui qui s'efforce de patienter, Allah lui accordera l'endurance. Et celui qui s'efforce d'endurer, Allah lui accordera l'endurance. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, et celui qui fait des efforts, et celui qui fait des efforts contre sa propre âme, pour qu'elle obéisse à Allah. Tu dois donc endurer dans le sentier d'Allah azza wa jal et vaincre ton âme. Et si nous n'arrivons pas à vaincre notre âme, malheureusement, nous ferons partie des captifs du diable, des enchaînés devant les passions et de ceux qui sont liés à leurs passions, que ce soit les ambiguïtés ou les penchants vers les passions. La troisième cause qui aide à concrétiser la piété est le fait d'apprendre sa religion. La science utile et bénéfique, celle qui est tirée du livre d'Allah, le Coran al-Karim, et les paroles du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui est ignorant de la religion, comment est-ce qu'il pourra éviter le mal alors qu'il l'ignore et appliquer le bien alors qu'il ne l'a pas étudié? Allah nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, les seuls à véritablement craindre Allah, ce sont les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Tout comme il nous dit, l'étude de la science est une obligation pour chaque musulman. Donc plus la personne a connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle sera pieuse. Et la science la plus bénéfique dans ce domaine est la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Le fait de savoir qu'Allah est le Seigneur des mondes, la seule divinité qui mérite notre adoration, celui qui entend tout et voit tout, le Seigneur immense qui contrôle tout et gère tout, celui vers lequel se fera notre retour. Ceci pousse le serviteur à devenir pieux. Quatrièmement, s'efforcer d'assister aux assises pieuses et de fréquenter ce qui nous pousse à la piété. Tout comme nous devons nous éloigner de ceux qui nous égarent du sentier d'Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné à son messager d'endurer avec ceux qui invoquent leur Seigneur de jour comme de nuit en recherchant sa face. Tout comme il a interdit à son messager d'obéir à ceux dont nous avons rendu distrait le cœur de notre rappel et a suivi ses passions et a trouvé toutes ses affaires désordonnées. Nous devons assister aux assises pieuses et nous éloigner des mauvaises fréquentations. Et écoute la recommandation et la parole de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, l'homme est sur la religion de son ami proche, que chacun d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. Ici, on attire notre attention sur le choix de l'ami, sur le choix de la fréquentation. Tu ne dois pas fréquenter toute personne, bonne ou mauvaise, mais tu dois faire le tri et fréquenter ceux qui s'entraînent avec toi dans le bien et la piété, et non pas dans le péché et la transgression. Cinquièmement, s'éloigner des nouveautés qui permettent la communication de manière illicite. Il y a de nombreux moyens que nous trouvons de nos jours qui n'existaient pas avant. Et c'est une grande porte ouverte vers de nombreuses transgressions et péchés. Comme certaines chaînes du parabole, comme certains sites, et j'en passe. Voici une des plus grandes causes qui ont éloigné les gens de la concrétisation de la piété. Tu trouves l'homme en aparté devant cette chaîne, ou la femme devant son écran, pensant que personne ne les voit, alors qu'Allah Azza wa Jal est leur témoin, témoin de toutes choses. Et ils passent d'un site à un autre, et naviguent d'un site à un autre, puis ils en ressortent. Après une grande partie de la nuit passée dans le péché, avec un cœur malade, atteint de différentes maladies, toutes pires les unes que les autres. Puis cette personne vient, le cœur rempli d'ambiguïté, de passion, dire « j'ai mal au cœur, mon cœur est dur, ma foi a baissé et je ne comprends pas pourquoi ». L'un d'entre eux communique avec des femmes qui ne sont pas les femmes de sa famille. Puis arrivé au matin, il dit « j'ai mal au cœur et je me sens mal ». Alors que lui-même a sauté dans cette mer dans laquelle il n'aperçoit pas les côtes, les mers des passions et des troubles, jusqu'à se noyer. Iyad al-Billah. Il nous faut donc nous éloigner de ces causes qui causent la perte du serviteur. Parmi les plus grandes causes qui aident à concrétiser la piété, il y a le fait de se rappeler la mort et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et prenez vos provisions, et certes la meilleure des provisions est la piété. Et craignez-moi donc, ô vous, les gens doués d'intelligence. » Il nous dit également, et craignez Allah et sachez que vers lui se fera votre rassemblement. Cette connaissance, le fait de savoir qu'un jour tu mourras, puis tu seras ressuscité pour être appelé à comparaître devant Allah, qui te jugera, il a su toutes choses de toi. Il va te juger, puis il y aura la finalité du paradis ou de l'enfer. Celui qui a constamment cela présent dans son cœur, cela le rapprochera de la concrétisation de la piété. Cela le rapprochera de la concrétisation de la piété. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, certes Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Il nous faut faire nos comptes. Il nous faut maîtriser nos âmes et savoir qu'un jour viendra où elles seront appelées à comparaître devant Allah pour être jugées. Allah Azza wa Jal nous dit « La uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bi nafs al-lawwamah » Mais non, je jure par le jour de la résurrection et non, je jure par l'âme qui, à qui s'adresse le blâme. L'âme qui s'adresse le blâme, c'est-à-dire qui regrette après le péché et qui adresse des remontrances ou bien le blâme à sa propre personne. C'est ainsi qu'il nous faut être pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres causes, comme le fait de savoir les effets des péchés. Il y a d'autres causes, comme le fait de savoir le stratège du shaitan pour nous atteindre. Il y a d'autres causes, comme le fait de renforcer son amour pour Allah. Celui qui concrétise ses points en espérant Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal l'élèvera au niveau des gens pieux. Fallahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala al-Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.